les services de Russie et ukrainiens, pardon, et d'Istanbul, excusez-moi pour le lapsus, ont réussi à remonter donc des canaux Telegram de militants ukro-nazis qui circulaient à Istanbul. C'est-à-dire que mon profil et des informations sur moi circulaient sur des canaux Telegram à Istanbul. À partir de là, les services spéciaux russes et Istanbul ont réussi à remonter cette source. Et deux jours après, donc 48 heures après mon attaque, cet attentat, ils ont réussi donc à arrêter et interpeller donc un agent de renseignement du SBU. Et lors de cette perquisition, qui a été quelques photos ont été d'ailleurs diffusées sur Telegram, où a été retrouvée donc toutes les informations sur moi, notamment mon passeport, même une photo de mon passeport. Hein. Afrique Média, le monde, c'est nous.